Tu l'as connu comme ça, c'était un hasard. Ce sourire perdu pour toi te donnait tant d'espoir. Elle est là dans ta pensée, tu ne peux plus l'oublier. Et tu l'aimes comme on aime à 15 ans. Et puis tu l'as revue, tu tenais la chance. Mais le cafard bien sûr entrait dans la danse. Soirée d'ivresse, les beaux rêves romanesques tournaient dans ton bal de 15 ans. Mais oui, tu la tenais dans tes bras. Alors elle te disait, embrasse-moi. Cet amour si chétif, si jeune, si tendre, amour de 15 ans.